sable, ce bout de mer, depuis la plage. Rien, c'est quelque fait. Elles étaient tombées toutes seules sur le chemin. Voilà pour toi. Rien n'a porté à garder, à tenir que ce nom étrange. Étranger. Place sur un banc de soleil, notre nom de famille n'y est pas gravé. Rien, il n'y a pas de maison en Ardèche. C'était un rêve ou un mensonge à ta mère, tu sais. Il n'y a pas de maison secondaire, de maison primaire, pas de voiture, pas de montre, au poignet, rien. J'ai la casquette de grand-père, un mouchoir, un opinel cassé. Des livres en miettes. J'ai échoué, mon fils. Je sais, j'ai échoué. Mais j'y ai mis tout ce que j'avais. Quelques chansons muettes à la SACEM, quelques centimes. Chaque année, rien. La pluie, le vent, l'eau qui coule de la Seine, un peu d'air. Prends-en soin, ce sont les seules choses qui nous appartiennent à nous. Je te les lègue. Rien. Si toutes ces choses existent encore. Existe encore au jour.